Cette dévotion fidèlement pratiquée produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle, où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand par une grâce ineffable mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fait-elle point ? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme qui, par sa connaissance, détruirait la beauté de ses ouvrages. Comme elle est partout vierge féconde, elle porte dans tout l'intérieur où elle est la pureté de cœur et de corps, la pureté en ses intentions et ses desseins, la fécondité en bonnes œuvres. Ne croyez pas, chère âme, que Marie, la plus féconde de toutes les créatures, et qu'ils allaient jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oiseuse en une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en elle. Et si Jésus-Christ est aussi bien le fruit de Marie en chaque âme en particulier, que par tout le monde en général, c'est particulièrement dans l'âme où elle est que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre. Enfin, Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus-Christ. Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humilité. Elle l'élargit et l'embrasse par sa charité. Elle le purifie par sa pureté. Elle l'anoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est-ce que je m'arrête ? Il n'y a que l'expérience qui apprend ces merveilles de Marie, qui sont incroyables aux gens savants et orgueilleux, et même au commun des dévots et dévotes. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et pour juger les vivants et les morts ? Savoir comment cela se fera et quand cela se fera, qui est-ce qui le sait ? Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel ne l'est de la terre, viendra dans un temps et de la manière la moins attendue des hommes, même les plus savants et les plus intelligents dans l'Écriture sainte, qui est fort obscure sur ce sujet. L'on doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plutôt qu'on ne pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de celui de Marie, pour lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde, pour détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur celui du monde corrompu. Et c'est par le moyen de cette dévotion à la très sainte Vierge que je ne fais que tracer et amoindrir par ma faiblesse que ces saints personnages viendront à bout de tout. Les pratiques extérieures, outre la pratique intérieure de cette dévotion dont nous venons de parler, il y en a d'extérieures qu'il ne faut pas omettre ni négliger. La consécration et son renouvellement. La première, c'est de se donner à Jésus-Christ en quelques jours remarquables par les mains de Marie, de laquelle on se fait esclave, et de communier à cet effet ce jour-là et le passer en prière, laquelle consécration on renouvellera au moins tous les ans au même jour. L'offrande d'un tribut à la Sainte Vierge. La seconde pratique, c'est de donner tous les ans au même jour un petit tribut à la Sainte Vierge pour lui marquer sa servitude et sa dépendance. Ça a toujours été l'hommage des esclaves envers leur maître. Or, ce tribut est ou quelque mortification, ou quelque aumône, ou quelque pèlerinage, ou quelque prière. Le bienheureux marin, au rapport de son frère Saint-Pierre d'Amiens, prenait la discipline publiquement tous les ans, au même jour, devant un autel de la Sainte Vierge. On ne demande ni conseille cette ferveur, mais si l'on ne donne pas beaucoup à Marie, l'on doit au moins offrir ce qu'on lui présente avec un cœur humble et bien reconnaissant. La célébration spéciale de la fête de l'Annonciation. La troisième est de célébrer tous les ans avec une dévotion particulière la fête de l'Annonciation, qui est la fête principale de cette dévotion, qui a été établie pour honorer et imiter la dépendance où le Verbe éternel se mit en ce jour pour notre amour. La récitation de la petite couronne et du Magnificat. La quatrième pratique extérieure est de dire tous les jours, sans obligation à aucun péché, si l'on y manque, la petite couronne de la très sainte Vierge, composée de 3 pater et de 12 ave, et de réciter souvent le Magnificat, qui est l'unique cantique que nous ayons de Marie, pour remercier Dieu de ses bienfaits et pour en attirer de nouveaux. Surtout, il ne faut pas manquer de le réciter après la Sainte Communion, pour action de grâce, comme le savant Gerson tient que la Sainte Vierge même faisait après la Communion. le port de la chaînette. Le cinquième, c'est de porter une petite chaîne bénite au cou, ou au bras, ou au pied, ou au travers du corps. Cette pratique peut absolument s'omettre sans intéresser le fond de cette dévotion. Mais cependant, il serait pernicieux de la mépriser et condamner, et dangereux de la négliger. Voici les raisons qu'on a de porter cette marque extérieure. Pour se garantir des funestes chaînes du péché originel et actuel dont nous avons été liés. Pour honorer les cordes et les liens amoureux dont notre Seigneur a bien voulu être garrotté pour nous rendre vraiment libres. Comme ces liens sont des liens de charité, c'est pour nous faire souvenir que nous ne devons agir que par le mouvement de cette vertu. Enfin, c'est pour nous faire ressouvenir de notre dépendance de Jésus et de Marie, en qualité d'esclave, qu'on a coutume de porter semblable chaîne. Plusieurs grands personnages qui s'étaient faits esclaves de Jésus et de Marie estimaient tant ces chaînettes qui se plaignaient de ce qui ne leur était pas permis de les traîner publiquement à leurs pieds comme les esclaves des Turcs. Ô chaînes plus précieuses et plus glorieuses que les colliers d'or et de pierres précieuses de tous les empereurs, puisqu'elles nous lient à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère, et en sont les illustres marques et livrées. Il faut remarquer qu'il est à propos que les chaînes, si elles ne sont pas d'argent, soient au moins de fer à cause de la commodité. Il ne les faut jamais quitter pendant la vie, afin qu'elles nous puissent accompagner jusqu'au jour du jugement. Quelle joie, quelle gloire, quel triomphe pour un fidèle esclave au jour du jugement, que ses os au son de la trompette se lèvent de terre encore liés par la chaîne de l'esclavage, qui apparemment ne sera point pourrie. Cette seule pensée doit animer fortement un dévot esclave à ne la jamais quitter, quelque incommode qu'elle puisse être à la nature. Supplément. Oraisons à Jésus et à Marie. Oraisons à Jésus. Mon aimable Jésus, permettez-moi de m'adresser à vous pour vous témoigner la reconnaissance où je suis, de la grâce que vous m'avez faite, en me donnant à votre Sainte Mère, par la dévotion de l'esclavage, pour être mon avocate auprès de votre Majesté, et mon supplément universel dans ma très grande misère. Hélas, Seigneur, je suis si misérable que sans cette bonne mère, je serais infailliblement perdue. Oui, Marie m'est nécessaire auprès de vous, partout, nécessaire pour vous calmer dans votre juste colère, puisque je vous ai tant offensé tous les jours. Nécessaire pour arrêter les châtiments éternels de votre justice que je mérite. Nécessaire pour vous regarder, pour vous parler, vous prier, vous approcher et vous plaire. Nécessaire pour sauver mon âme et celle des autres. Nécessaire en un mot pour faire toujours votre sainte volonté et procurer en tout votre plus grande gloire. Ah, que ne puis-je publier par tout l'univers cette miséricorde que vous avez eue envers moi. Que tout le monde ne connaît-il que sans Marie, je serais déjà damnée. Que ne puis-je rendre de dignes actions de grâce d'un si grand bienfait. Marie est en moi. Oh, quel trésor! Oh, quelle consolation! Et je ne serai pas, après cela, tout à elle? Oh, quelle ingratitude, mon cher Sauveur! Envoyez-moi plutôt la mort que ce malheur m'arrive, car j'aime mieux mourir que de vivre sans être tout à Marie. Je l'ai mille et mille fois prise pour tout mon bien avec saint Jean évangéliste, au pied de la croix, et je me suis autant de fois donnée à elle. Mais si je ne l'ai pas encore bien fait selon vos désirs, mon cher Jésus, je le fais maintenant comme vous le voulez que je le fasse. Et si vous voyez en mon âme et en mon corps quelque chose qui n'appartienne pas à cette auguste princesse, je vous prie de me l'arracher et de le jeter loin de moi, puisque n'étant pas à Marie, il est indigne de vous. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Ainsi soit-il. Oraison à Marie pour ses fidèles esclaves. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père éternel. Je vous salue Marie, mère admirable du Fils. Je vous salue Marie, épouse très fidèle du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, ma chère mère, mon aimable maîtresse et ma puissante souveraine. Je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. Vous êtes tout à moi par miséricorde, et je suis tout à vous par justice. Et je ne le suis pas encore assez. Je me donne à vous tout entier de nouveau en qualité d'esclave éternelle, sans rien réserver pour moi ni pour autre. Si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre en ce moment, de vous rendre la maîtresse absolue de mon pouvoir, de détruire et déraciner et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu, et d'y planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira. Et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit, que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil, que votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vagabonde. Que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire de sa présence. Que l'incendie de la charité de votre cœur dilate et embrase la tiédeur et la froideur du mien. Que vos vertus prennent la place de mes péchés. Que vos mérites soient mon ornement et mon supplément devant Dieu. Enfin, ma très chère et bien-aimée mère, faites s'il se peut que je n'ai point d'autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus-Christ et ses divines volontés. Que je n'ai point d'autre âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur. Que je n'ai point d'autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent comme vous. Je ne vous demande ni vision, ni révélation, ni goût, ni plaisir même spirituel. C'est à vous de voir clairement sans ténèbres. C'est à vous de goûter pleinement, sans amertume. C'est à vous de triompher glorieusement à la droite de votre Fils dans le ciel, sans aucune humiliation. C'est à vous de commander absolument aux anges et aux hommes et aux démons sans résistance, et enfin de disposer selon votre volonté de tous les biens de Dieu, sans aucune réserve. Voilà, divine Marie, la très bonne part que le Seigneur vous a donnée, et qui ne vous sera jamais ôtée, et ce qui me donne une grande joie. Pour ma part, ici-bas, je n'en veux point d'autre que celle que vous avez eue, savoir de croire purement, sans rien goûter ni voir, de souffrir joyeusement, sans consolation des créatures, de mourir continuellement à moi-même sans relâche, et de travailler fortement jusqu'à la mort pour vous, sans aucun intérêt, comme le plus vil de vos esclaves. La seule grâce que je vous demande par pure miséricorde, c'est que, tous les jours et moments de ma vie, je dise trois fois « Amen ». Ainsi soit-il, à tout ce que vous avez fait sur la terre lorsque vous y viviez. Ainsi soit-il, à tout ce que vous faites à présent dans le ciel. Ainsi soit-il, à tout ce que vous faites en mon âme, afin qu'il n'y ait que vous à glorifier pleinement Jésus en moi, pendant le temps et l'éternité. Ainsi soit-il. La culture et l'accroissement de l'arbre de vie autrement, la manière de faire vivre et régner Marie dans nos âmes. Le saint esclavage d'amour, arbre de vie. Avez-vous compris, âme prédestinée, par l'opération du Saint-Esprit, ce que je viens de dire? Remerciez-en Dieu. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénevé dont il est parlé dans l'Évangile, qui étant, ce semble, le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand, et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid et reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil, et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces. La manière de le cultiver. Voici, âme prédestinée, la manière de le cultiver. Cet arbre étant planté dans un cœur bien fidèle, veut être en plein vent, sans aucun appui humain. Cet arbre étant divin, veut toujours être sans aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe qui est Dieu. Ainsi, il ne faut point s'appuyer de son industrie humaine ou de ses talents purement naturels, ou du crédit et de l'autorité des hommes. Il faut avoir recours à Marie et s'appuyer sur son secours. Il faut que l'âme où cet arbre est planté soit sans cesse occupée comme un bon jardinier, à le garder et regarder. Car cet arbre étant vivant et devant produire un fruit de vie, veut être cultivé et augmenté par un continuel regard et contemplation de l'âme. Et c'est l'effet d'une âme parfaite d'y penser continuellement, et d'en faire sa principale occupation. Il faut arracher et couper les chardons et les épines qui pourraient suffoquer cet arbre avec le temps, ou l'empêcher d'apporter son fruit. c'est-à-dire qu'il faut être fidèle à couper et trancher, par la mortification et violence à soi-même, tous les plaisirs inutiles et vaines occupations avec les créatures. Autrement, crucifier sa chair et garder le silence et mortifier ses sens. Il faut veiller à ce que les chenilles ne l'endommagent point. Ces chenilles sont l'amour propre de soi-même et de ses aises, qui mangent les feuilles vertes et les belles espérances que l'arbre avait du fruit. Car l'amour de soi-même et l'amour de Marie ne s'accordent aucunement. Il ne faut pas laisser les bêtes en approcher. Ces bêtes sont les péchés qui pourraient donner la mort à l'arbre de vie par leur seul attouchement. Il ne faut même pas que leur haleine donne dessus, c'est-à-dire les péchés véniels, qui sont toujours très dangereux si on ne s'en fait point de peine. Il faut arroser continuellement cet arbre divin de ses communions, ses messes et autres prières publiques et particulières, sans quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. Il ne faut pas se mettre en peine s'il est soufflé et secoué du vent, car il est nécessaire que le vent des tentations le souffle pour le faire tomber, que les neiges et les gelées l'entourent pour le perdre. C'est-à-dire que cette dévotion à la Sainte Vierge sera nécessairement attaquée et contredite, mais pourvu qu'on persévère à le cultiver, il n'y a rien à craindre. Son fruit durable, Jésus-Christ. Âme prédestinée, si vous cultivez ainsi votre arbre de vie nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront, et il deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps. C'est-à-dire l'aimable et l'adorable Jésus qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est plantée. Plus heureuse que celle en qui elle est accrue et fleurie. Très heureuse celle en qui elle porte son fruit. Mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.